L'actualité à Nancy et ailleurs. L'ARS, Association Accueil et Réinsertion Sociale, vient de lancer un atelier cuisine, ça s'appelle la boîte à cuisine, et pour nous en parler, nous avons au téléphone Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour. Vous êtes chef de projet donc et portez cette boîte à cuisine au sein de l'association Accueil et Réinsertion Sociale, l'ARS. Cette boîte à cuisine, c'est tout récent? C'est créé quand? Oui, alors c'est tout récent. L'association a gagné un appel à projet au niveau du département et de France Relance qui a décidé de nous financer une partie. Nous avons ouvert la boîte à cuisine juste avant les fêtes. Alors ça s'adresse à qui? Alors ça s'adresse à des usagers qui sont dans la solitude et qui ont faim. C'est aussi pour créer du lien social, recréer du lien social et se retrouver ensemble sur la thématique de la cuisine. Donc on a un magnifique lieu qui est totalement adapté même à l'handicap parce qu'on y a vraiment tenu. Et il y a un poste de cuisson aussi pour personnes en fauteuil roulant, mobilité réduite, on a tout prévu. Alors ça se passe où justement, pour être plus concret encore? Alors ça se passe avenue de Strasbourg, derrière l'église de Bon Secours, mais ce n'est pas un lieu qui est ouvert toute la journée comme ça, c'est sur inscription, obligatoirement. Voilà, on va revenir un peu plus sur le fonctionnement. Donc c'est tout récent, ça s'est créé fin 2021, à destination de personnes plutôt en fragilité, déjà suivies par l'ARS? Oui, déjà. Alors c'est déjà un public suivi par l'ARS en premier, mais l'ARS a vraiment eu la volonté de l'ouvrir sur les habitants de la métropole, de ne pas garder uniquement ce projet pour eux. Donc c'est une synergie avec les mairies, avec les travailleurs sociaux, les CCAS, les maisons des solidarités. Mmh. En fin de compte, cet outil est fait pour tous. Il n'y a pas de barrage uniquement pour l'ARS. Ces ateliers cuisine, expliquez-nous comment ça va se passer, quel type de cuisine? Est-ce que c'est les influences des uns et des autres qui va alimenter ces ateliers ou c'est déjà prédéfini? Oui, à l'avance? En partie. Alors, en fin de compte, c'est un fonctionnement très particulier que j'avais déjà expérimenté pendant 3 mois avec l'aide de participants. Donc, c'est vraiment participatif et solidaire. Rien n'est inscrit dans le marbre, mais au départ, forcément, il y a une organisation. On s'inscrit 2 fois par mois maximum pour laisser la place au plus de gens possible. C'est des produits qu'on reçoit en tant que don de la banque alimentaire, des fruits et légumes frais principalement. Le participant, quand il arrive à 9h30, il y a un moment convivial pour se rencontrer d'une demi-heure. À partir de 10h, on découvre le programme avec les ingrédients qu'on a reçus de la banque alimentaire. Donc, on a préparé un programme de recettes, donc un plat, une entrée et un dessert. Et soit le menu qu'on a concocté convient, soit il y a éventuellement quelqu'un qui a envie de nous montrer sa propre recette avec les produits qu'il a devant lui. Donc, c'est très participatif. C'est le savoir de chacun est mis en valeur. C'est vraiment, on veut monter l'estime de soi au niveau de la cuisine, et puis la cuisine, tout le monde a des astuces. Oui, voilà, quel que soit son niveau et ses expériences, oui. On peut tous partager bien ses propres expériences justement en cuisine. Alors ces ateliers, c'est tous les jours, c'est quelques jours dans la semaine? Alors c'est du mardi au vendredi inclus, et puis c'est donc de 9h30 à 14h avec un repas partagé inclus. Là, avec les conditions sanitaires, tout dépend de la taille des groupes. Donc voilà. Parce qu'on vous pouvez accueillir combien de personnes à la fois pour l'instant? 10 personnes maximum. 10? C'est 10 personnes maximum par jour. Pourquoi? Parce qu'on travaille en binôme et pour garder une ambiance conviviale. Pour participer, si des auditeurs nous écoutent et trouveraient là une occasion bien de donner des astuces et puis de sortir de cette solitude, comment on fait? Alors il faut m'appeler au 06 72 53 25 02. Que nous attendons notre ligne téléphonique, c'est tout récent. Donc, en fin de compte, la première inscription, c'est moi qui le gère. Et ensuite, automatiquement, quand on part de l'atelier, on dit si on veut revenir ou pas. C'est très ouvert. Voilà. Donc, on le gère après différemment. C'est juste la première inscription qui se passe par téléphone. Voilà, la boîte à cuisine, on n'hésite pas à appeler Nadia pour participer à ses ateliers cuisine et puis au repas qui suit bien sûr cette matinée. C'est du mardi au vendredi, vous l'avez dit, à partir de 9h30. Voilà. On s'inscrit, on appelle le 06 72 53 25 02 et on vous a au téléphone et puis on échange et aussi autour de ça. Je vous attends avec plaisir. Merci beaucoup Nadia, un dernier mot peut-être? Merci. Ben, ce que je voulais dire, c'est un dernier mot qui est important, c'est qu'on repart avec le repas du soir aussi pour ses proches, parce qu'on produit plus. Et on repart aussi avec à peu près 3 kilos de fruits et légumes frais que la banque alimentaire offre aux participants pour pouvoir donner des produits frais. Merci beaucoup, Nadia. Merci beaucoup pour votre soutien et puis surtout bonne journée. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.